La Crète est la dernière île méditerranéenne avant le continent africain. C'est aussi la fin de l'Europe, dont elle en est le point méridional extrême. L'aridité du climat sonne l'appel du voyage en Orient. Cette aridité orientale est atténuée par l'immense manteau des oliviers. Ces derniers sont au cœur de l'économie crétoise et on en retrouve partout dans les collines, les plaines et les pentes de cette Crète fort montagneuse.